The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Atmosphere. L'ambiance. Stunning. Splendide. Proud. Fier. Wonderful. Merveilleux. Besides. En plus. Now, a bit faster. Besides. En plus. Wonderful. Merveilleux. Stunning. Splendide. Atmosphere. L'ambiance. Wonderful. Merveilleux. Atmosphere. L'ambiance. Stunning. Splendide. Proud. Fier. Stunning. Splendide. Wonderful. Merveilleux. Stunning. Splendide. Now, use the words in context. Mentir. Actually, I lied. En fait, j'ai menti. La lumière. Turn on the light, please. Allume la lumière, s'il te plaît. Fier. I'm proud of you. Je suis fier de toi. L'ambiance. I don't really like the atmosphere in hospitals. Je n'aime pas vraiment l'ambiance des hôpitaux. Splendide. These fireworks are absolutely splendid. Ce feu d'artifice est absolument splendide. Mentir. Actually, I lied. En fait, j'ai menti. Splendide. These fireworks are absolutely splendid. Ce feu d'artifice est absolument splendide.